Chapitre 6. Ce qu'il eût voulu, Hervé, c'est que sa sœur le servît auprès de sa cousine, qu'elle lui parlât de lui, qu'elle enfonçât peu à peu son souvenir dans le cœur, dans l'âme de la jeune fille. À maintes reprises, il avait essayé de souffler ce conseil à Yvonne, d'en faire l'intermédiaire, la complice de son amour. Malheureusement, pour la réussite de ses projets, la pauvre enfant se dérobait toujours, inconsciemment, à ses tentatives. Elle trouvait en lui un visage qui lui plaisait, un confident favori, celui auquel elle racontait toutes ses petites affaires secrètes, ses joies d'enfant, celui qu'elle retrouvait toujours avec le même plaisir, comme si quelque chose d'invincible l'eût poussée vers lui. Seulement, c'était tout. Et lorsqu'il essayait de se faire reconnaître, lorsqu'il l'entretenait de Marianic, de mariage, elle ne comprenait pas, retombait dans ses extases mystiques, dans ses rêveries, dans le milieu de personnages étranges que lui créait sa folie. Elle ne parlait jamais que d'un Jean-Marie Hervé, le petit mousse de 13 ans, dont elle avait gardé en elle l'inaltérable image, le gamin joueur et innocent de son enfance. Pour elle, il n'en existait pas d'autre. Hervé Guivarc, tel qu'elle le voyait chaque jour depuis son retour, n'était donc nullement son frère à ses yeux. Elle se refusait même à prononcer, en lui adressant la parole, ce nom d'Hervé qu'elle entendait les autres lui donner et qui lui faisait secouer la tête avec un sourire de dénégation. Par contre, l'appellation « le revenant » sembla lui plaire la première fois qu'elle frappa son oreille et elle l'employait de préférence, paraissant y attacher quelques mystérieuses idées. Des mots, des phrases avaient trahi sa secrète pensée. C'était pour elle un personnage de ses rêves, soudain retrouvé, reparu sur la terre d'Armor, un héros des vieilles légendes bretonnes de Cornouailles. Quand cet homme à barbe blonde, à mine hardie, était un soir tombé d'où elle ne savait, au pied des dunes de Penhat, elle avait eu un grand saisissement, et un nom merveilleux avait traversé son cerveau halluciné, celui du héros qui délivra son pays de la tyrannie des hommes du Nord, Alain Barbe Torte, Alain le Renard. En lui s'incarnaient toutes les qualités du héros des Bardis qu'on lui avait appris, sa force, sa beauté, ses aventures, ses exploits, son nom. Elle ne le lui donnait jamais, le réservant pour elle seule, comme un secret qui aurait existé entre deux et que nul autre ne devait connaître. De son côté, absolument docile, comme dompté par la main faible de la pauvre petite, Hervé, l'aventurier, le cynique, se laissait faire, obéissait à tout ce qu'elle lui demandait, n'essayant jamais de résister. Une espèce de superstition s'attachait pour lui à la malheureuse déshéritée, pour laquelle il avait retrouvé ses excessives tendresses d'enfant, et dont l'âme lui semblait avoir reçu la visite de quelque force surnaturelle. Les jours coulaient ainsi, monotones, de cette monotonie sans fatigue, sans désir, qui est la vie des pêcheurs bretons. Parfois, une lassitude de cette existence endormie prenait Jean-Marie Hervé. De gros découragements s'abattaient soudain sur lui, lui faisaient laisser sa barque à l'ancre au milieu du port, lorsque toutes celles des camarades étaient au large, les unes pour le maquereau, d'autres pour la vieille, pour le lieu, les plus hardis très loin, soit du côté de Saint, soit dans le nord, vers Molène, Ouessan, pour pêcher la raie, le turbot, les bêtes d'eau profonde. Il courait alors la campagne, se perdait à travers la presqu'île de Crozon, usant les heures dans des marches pesantes sur les champs, les landes, à l'enterrer le long des côtes, en choisissant les endroits les plus sauvages, les plus désolés. Il y avait en lui, à ces moments-là, comme une nostalgie amère de ses années d'aventure. Accroupi sur un bout de roc, à 100 mètres au-dessus de la mer grondant sous ses pieds, dans ces parties de la côte qui s'étendent entre la pointe de Pentir et la plage de Penhat, il restait là, rêvasseur, les yeux loin devant lui, fouillant vaguement l'horizon sans un regard pour ses centaines de voiles des petites barques semées sur la mer, ne voyant, ne suivant avidement que la fumée des paquebots, des grands bâtiments, qui, de temps à autre, passaient très loin, sans se rapprocher de ces rivages dangereux, et s'enfonçaient, disparaissant vers des contrées lointaines. Pourquoi était-il revenu? Pourquoi n'avoir pas continué de vivre là-bas dans l'oubli du passé, dans l'oubli des siens? Qu'était-il venu faire dans cette patrie qui ne lui apportait que des douleurs, des deuils, des colères? N'eût-il pas mieux fait de rester toujours dans l'ignorance de ce qui avait pu se passer à Camaret depuis son départ? Au moins, il eût conservé l'illusion, la pensée que les siens vivaient heureux, sans doute consolés de sa disparition après tant d'années écoulées, n'ayant conservé de lui que le souvenir doux et charmant du pauvre petit gars naïf et honnête, comme il conservait d'eux un souvenir respectueux et attendri. Son retour avait tout bouleversé, tout détruit dans son cœur, et une amertume énorme emplissait maintenant ses jours et ses nuits. Plus de repos possible pour lui dans cette vie pesante, où nul autre que lui ne semblait sentir d'une manière aussi aiguë toutes ces choses qui le ravageaient et torturaient son amour subi pour Marianic. Bien que jamais sa cousine ne lui eût parlé de ses projets d'avenir, bien que le nom de Corentin ne sortît jamais de ses lèvres, il sentait bien qu'elle devait le garder au fond de son cœur, et plus d'une fois, il avait été sur le point de l'interroger, elle aussi, ainsi qu'il avait fait avec Garrec. Mais toujours au moment décisif, il avait hésité, préférant encore cette incertitude, cette ignorance à l'assurance irrévocable qu'il n'était pas aimé, qu'il ne devait plus espérer. Était-ce l'influence du temps, ce jour-là d'un gris morne, ayant la tristesse désolée qui est le caractère spécial de l'extrême Bretagne? Était-ce le résultat de plus rudes luttes intérieures? Le revenant souffrait d'une façon plus âpre, plus intolérable, et sentait le besoin de hurler au vent sa peine, de se débarrasser du fardeau qui lui écrasait le cœur. Tout à coup, l'idée lui vint d'aller voir un camarade d'autrefois, qu'il n'avait pas encore rencontré à Camaret, un de ceux avec lesquels il avait joué, enfant, à peu près de son âge et son préféré, Yves Dagorn, maintenant gardien du sémaphore des Pois. Réjoui par cette pensée, il s'achemina dans la direction de Penhir, butant parfois dans les innombrables pierres tranchantes dont la lande déserte est littéralement semée sous de courtes ronces, et se demandant comment il se faisait que, depuis son arrivée à Camaret, depuis ce retour qui avait fait un tel bruit dans tout le pays, ce Dagorn, un franc et gai compagnon, n'eût pas encore cherché à le revoir. L'endroit où il se trouvait était déjà formidablement élevé au-dessus du niveau de la mer, dont les lames énormes roulaient bruyamment dans la profondeur des grottes et les déchiquetures de la côte. Pourtant le terrain s'élevait encore, formant une légère montée, avant de se terminer à la monstrueuse coupure à pic qui sépare le continent du premier d'État de Poix, celui qu'on nomme le Grand Dahouet. Il suivit directement la ligne des poteaux du télégraphe, venant de la route du Crozon et allant aboutir au poste sémaphorique de Penhir, tandis qu'une autre se relie au sémaphore de Penhat. Sous les grosses chaussures du pêcheur, les épines, les ronces s'écrasaient, ainsi que les mousses rudes qui parviennent à pousser sur cette terre granitique, à travers laquelle le roc perce de toutes parts. Il allait, prêtant par moments l'oreille à la musique ronflante et aiguë, à sonorité de harpe éolienne, que le vent tirait du fil métallique tendu de poteau à poteau, écoutant la grosse voix de basse de la mer. Après avoir contourné les déchirures abruptes de la falaise, les fentes géantes que l'Atlantique a creusées, taillées dans la pierre bretonne, il arriva enfin à la maisonnette blanche, au-dessus de laquelle la machine à signaux dressait ses bras noirs, ses articulations semblables à de monstrueuses antennes d'animal antédiluvien. Tandis que le grand mât, avec ses cordages, plantés devant le poste, donnait au sémaphore l'aspect d'un navire immobilisé sur cette pointe escarpée. Autour du logement principal, quelques constructions qui en dépendaient, un petit mur bas enfermant dans son enceinte un poulailler, une cahute pour serrer des provisions, des outils. Ça et là, des poules picorant gravement en compagnie d'un goéland apprivoisé, dont le cri aigu sonnait en trompette d'appel. Du reste, à part ces animaux, pas un bruit, aucun mouvement, le silence des choses abandonnées. Guivarc poussa la porte. Un homme était là, assis près d'une table, la tête dans ses mains, et qui ne bougea même pas à son entrée. Il le regarda, interdit, ne distinguant qu'une chevelure noire en désordre, une barbe de 8 jours sur les joues. Était-ce son ancien camarade? Il appela doucement. Yves? Yves Dagorn? S'étant rapproché davantage, il remarqua une figure boursouflée, rougie, des yeux perdus de larmes, avec certains traits remuant en lui de lointains souvenirs. Il murmura, un peu déconcerté. Ce n'est pas lui? Pourtant, mais si, L'homme s'agita. Il laissa retomber ses mains à poings fermés, d'un choc qui sonna sur le coin de la table, et une voix rauque, mangée de douleur, gronda. « Qu'y a-t-il encore ?»« C'est moi, moi, Jean-Marie Hervé Guivarc, ton ami. » Dagorn se leva si violemment que sa chaise roula derrière lui. Il avait fait deux pas en arrière, soudain blêmi, un cri d'horreur aux lèvres, comme s'il eût assisté à une chose effrayante. « Oh, oh !» Puis, douloureusement, en plainte de cauchemar, « Elle n'est pas morte, pas encore. Ne viens pas me la prendre. Va-t'en !»« Ah, ça, il est fou !» balbutia Hervé. Déjà une détente se produisit dans la physionomie contractée de Dagorn. Il secoua la tête, passa à plusieurs reprises la main sur ses yeux, comme pour en chasser une vision funèbre, et, examinant quelques instants son visiteur, fit « Pardon, pardon. Oui, c'est bien toi, je te retrouve, malgré les années, la barbe. C'est vrai, je ne me rappelais plus. Est-ce que je sais comment je vis depuis des semaines ? J'ai tant de chagrin. Oh, oh, c'est trop aussi. » Ses doigts se tendirent vers son ancien camarade, et il le serra dans ses bras, sanglotant. « Si tu savais, mon pauvre Guivarc, ma femme !» Il ne put achever, la gorge nouée, la poitrine hoquetante, et il fallut plusieurs minutes avant qu'il pût expliquer ce qui lui arrivait. Sa femme se mourait, une femme qu'il adorait, épousée un an auparavant, et il en perdait quasiment la tête, attendant de jour en jour, peut-être d'heure en heure, la catastrophe finale. Il avait bien appris, vaguement, que son ancien ami Hervé était revenu, qu'il n'était pas mort, mais rien de ce qui n'était pas sa douleur ne l'occupait, et il n'avait plus pensé à cet événement. Si bien que l'entrée subite de celui à qui on donnait ce surnom sinistre, le revenant, coïncidant avec sa crise de désespoir, l'avait complètement égaré, le terrifiant comme un appel de l'autre monde, un signe de mort. Il se remettait peu à peu, un moment détourné de sa douleur, et ajouta « Du reste, tu dois te la rappeler, c'est Louise Trévenoc de Kermeur, tu sais bien, une amie de ta cousine. » Du geste, il indiquait un village sur la hauteur, au-dessus des terrains en pente qui descendent à la plage du Vériac, la grève de sable fin étalée entre la pointe de Pentir et l'anse de Dinan. Hervé se souvenait mal d'une bambine éveillée, toute petite quand il avait embarqué sur la Proserpine, un baby de 3 ans au plus. Plus que les traits, le nom lui revenait. Louise Trévenoc, la fille au grand Trévenoc, le fermier. Oui, oui. Dagorn continua. Marianic t'en a donc rien dit? Voilà plusieurs jours qu'elle vient ici pour la voir. Tiens, vers ces heures-ci. Ah, fit l'autre troublé. Tu l'attends? D'un instant à l'autre, Louise ne demande qu'elle, et toujours elle. Guivarc hésita sur ce qu'il devait faire, s'en aller immédiatement ou rester. Mais il eut peur de cette rencontre au chevet d'une mourante, comme d'une chose qui lui porterait malheur, et il prétexta une affaire pressée. « J'étais venu une minute pour te serrer la main. Bien sûr, je reviendrai. » Il se sentait tout troublé à cette pensée de revoir sa cousine en ce moment où il avait l'esprit plein d'elle et où il eût voulu lui ouvrir son cœur. Là, devant ce lit de mort, cela le fit frissonner. Il partit presque en se sauvant. Sa grande crainte à présent, c'était de la rencontrer, d'être ainsi jeté à une explication, de provoquer quelques scènes terribles qui précipiteraient les choses, tueraient peut-être son espérance. Sur cette lande plane, déserte, forcément il allait se trouver en face d'elle. Dans l'éloignement déjà, il lui semblait apercevoir quelqu'un. Pour l'éviter, il se dirigea le long de la côte, tout près du sémaphore, se rappelant une sorte d'abri taillé par la nature dans le granit, une des curiosités du pays, la salle verte. Un glissant sentier de chèvres dégringole de la crête des falaises, semble se jeter dans l'abîme, côtoie un instant le précipice quelques mètres plus bas, pour remonter un peu entre la muraille à pic, se dressant à gauche, et le gouffre de l'océan laissant juste la place du pied. Hervé découvrit assez facilement ce chemin, d'un abord presque impraticable, rendu dangereux par les mousses et les herbes qui l'envahissent, et s'engagea sur la pente vertigineuse avec une adresse et une souplesse de marin. En continuant de marcher prudemment, il atteignit, après quelques secondes d'escalade, une espèce de porte formée par un gros bloc de rocher, tombé du haut de la falaise, retenu en équilibre entre deux aspérités, se faufila dessous, courbé en deux, et prit pied dans un minime demi-cirque tout tapissé de fougères, de plantes, qui lui ont mérité ce nom de salle verte. On peut se croire là isolé du monde entier, ayant derrière soi et de chaque côté l'énorme falaise granitique formant les murs formidables de cet asile incomparable qui se trouve comme suspendu en nid d'oiseau de mer à plus de 30 mètres du niveau de la mer toujours furieuse et écumante en cet endroit. En face, Guivarc retrouvait l'étonnant spectacle qu'il avait vu si souvent étant enfant, sans y prêter grande attention, et qu'il revoyait avec l'indifférence d'art et de pittoresque du pêcheur ou du marin. La pointe géante de Penhir avec, comme avancée, ses 5 massifs terribles, taillés en îlots pointus, escarpés, arbères ou pèses, les tas de poids, seulement habités par des milliers d'oiseaux, goélands, mouettes, cormorants, guilous, perroquets de mer, qui voltigent continuellement au milieu de toutes ces pointes de roc lavé d'écume, et dont les cris rauques accompagnent superbement le retentissant bouillonnement de chaudières, des flots rugissant à la base de ces écueils cyclopéens. Là, le jeune homme n'avait pas à craindre d'être découvert. Au-delà de l'anse profonde, il apercevait, en levant la tête, la bouche du canon qui sert aux signaux du sémaphore, et une partie du mât, mais lui, on ne pouvait le voir d'aucun point. Peu à peu, il s'engourdissait dans la contemplation de cette mer hurlante, de ces montagnes d'eau s'écrasant en gerbes folles contre la base noire des rochers, roulant du Grand Dahouet au Petit Dahouet, du Berned au Chelotte, et venant balayer la roche Penglaze. Il se plaisait à retrouver les noms de ces écueils monstres, un des spectacles les plus tragiques et les plus saisissants du Finistère. Sous ce ciel gris, sans soleil, la mer semblait remuer une houle d'indigo, et une sauvagerie intense se dégageait de cette lutte des éléments où les cris des oiseaux jetaient des appels désespérés, une sorte de râle déchirant de noyés perdus en mer. L'esprit de Guivarc se complut, sans qu'il s'expliquât pourquoi, dans cet enveloppement d'horreur et de tristesse où il crut retrouver l'émotion terrible de ces deux naufrages. Une barque s'engageait entre les deux tas de poids les plus éloignés. Il planta ses prunelles ardentes sur la frêle embarcation. Une voile rouge et une voile brune, il la reconnut, c'était la Corentine. Un instant, une effroyable pensée hanta son cerveau, un désir de meurtre ensauvagea ses traits. S'il disparaissait, si là, devant lui, un coup de vent, ou bien une lame de fond, la mer. Mais non, Corentin Garrec était le plus fameux marin de Camaret, grand oiseau aux ailes changeantes. La barque glissa entre les écueils, traversant les flocons neigeux, filant légère et adroite. On ne voyait pas bien les hommes, mais, à l'arrière, à l'endroit où se tient le patron, il sembla à Hervé apercevoir quelque chose de blanc qui remuait en manière de signal. Un pressentiment le fit retourner, regarder en haut, du côté du sémaphore. À l'endroit même où bâille, terrifiante, l'entaillure qui sépare, en coup de hache, le premier Dahouet de la pointe de Penhir, debout sur un morceau de roche en surplomb à pic dans le vide, une femme se tenait, faisant voltiger à bout de bras un mouchoir. Marianic. Une fureur arracha ce nom de la gorge serrée d'angoisse de Guivarc. Il lui parut que c'était là un nouveau défi qu'on lui jetait. Il regardait de nouveau. Tout avait disparu, la barque et la jeune fille. Il faisait presque nuit quand il regagna la lande déserte et sombre, le cerveau ravagé de colère, le cœur hypertrophié de douleur et de haine.